Bonjour fidèles auditeurs de la radio Isanganilo, c'est le moment de suivre le journal Parle langue française de la mi-journée de ce samedi 8 août 2020, dont voici le sommaire. Un homme et son fils ont été brûlés dans leur maison sur la colline Tchanamo, en commune Kirema de la province Ngozi. 4 personnes suspectes ont été arrêtées pour enquête. En province Karuzi, les règles de prévention ne sont plus respectées. Notre correspondant en dira plus. Où les autorités déplorent que les populations sous-estiment la pandémie du coronavirus. Des projets socio-économiques pour faciliter l'intégration sociale des peuples autochtones ont déjà été entrepris au Burundi. C'est la déclaration du ministre ayant le genre dans ses attributions à la veille de la célébration de la journée mondiale dédiée aux peuples autochtones. Voilà pour le sommaire. Armel Moutori est à la présentation, Albert Nouayo à la mise en onde. Rebonjour, débutons ce journal en page sécurité. Le matin de ce samedi, un homme et son fils ont été trouvés brûlés et morts dans leur maison située sur la colline Tchanamo de la commune Kiremba en province Ngozi par des hommes non encore identifiés. Cet homme âgé de 68 ans venait de passer 7 ans dans cette localité alors que le reste de sa famille vivait en commune Tangara. Cet homme serait soupçonné par ses voisins de la sorcellerie. Comme l'indiquent les habitants de la localité, 4 personnes ont été appréhendées, accusées de la non-assistance à la personne en danger. Et la police souligne que les enquêtes continuent. En page santé, les règles de prévention contre le coronavirus ne sont plus respectées par la population de la province Karoussi dans la plupart des localités et le risque est grand. Cela est confirmé par les responsables de la santé et de l'administration dans cette province. Le gouverneur et le médecin provincial l'ont confirmé ce vendredi lors d'une réunion de restitution des résultats d'une campagne d'évaluation de la mise en œuvre des mesures de prévention contre le coronavirus organisée par ces derniers et leurs partenaires. Ils déplorent que les habitants de Karoussi sous-estiment cette pandémie de coronavirus alors que 2 cas de malades de corona ont été déclarés et confirmés à Mutumba dans cette même province. Blaise Pascal Kararumi. Les 2 hommes dépistés positifs de coronavirus sont l'un résident de la commune Mutumba et l'autre de la commune Nyabikere de la province Karoussi. Comme l'indique le médecin provincial et le gouverneur, ils l'ont confirmé dans une réunion de ce vendredi, une réunion de restitution des résultats de la mise en œuvre des mesures mises en place pour la prévention contre la pandémie du coronavirus. Ils déplorent qu'ils ont constaté, dans une campagne menée par le bureau provincial de la santé, en collaboration avec les responsables de l'administration et les partenaires Wodevision et MMISA Belgique, que la population de Karoussi ne respecte plus comme il faut ces mesures de prévention contre le coronavirus, tant pour le lavage au savon que pour les salutations. Il regrette que ce relâchement a été remarqué plus que partout dans les lieux publics comme les marchés, les églises, les magasins, les boutiques et aussi les bistrots, mais aussi dans les ménages. Le gouverneur Karine Mbarushimana, docteur Nzisabira Leonidas, qui est le médecin provincial, et docteur Edouard Ngurunziza, de l'ONG MEMISA Belgique, demande à tous les leaders communautaires qui étaient présents dans cette réunion, tels que les administrateurs communaux, les représentants des commerçants, les techniciens de santé publique de toutes les communes de Karoussi et d'autres, de redoubler plus d'efforts pour la sensibilisation de la population de Karoussi pour l'observation de ces mesures de prévention contre le coronavirus. Ils indiquent que cet effort est d'autant nécessaire puisque les 2 personnes sont déjà dépistées positives. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganilo. Merci Blaise Pascal Kararoumi. Les données de la Régie des eaux montrent que 22 communes du pays et certains quartiers périphériques de la capitale économique Bujumbura ne sont pas alimentés en électricité. Le directeur général de la Régie des eaux tranquillise la population qui vit cette situation, que chaque fois que les moyens sont disponibles, la Régie des eaux fait de son mieux pour l'électrification de ces localités. Simeon Habonimana rappelle également aux clients de la Régie des eaux de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter des incidents qui peuvent surgir suite suite à l'instabilité de l'intensité du courant électrique venant de la distribution de la régie des eaux. Suivez Siméon Habonimana, directeur général de la régie des eaux, au micro d'Ezekiel Ndikumwenaï. Nous savons qu'il y a 22 communes qui restent encore électrifiées, mais mis à part cela, il y a aussi des quartiers dans la mairie de Bujumbura avec la croissance de la ville, dans d'autres centres secondaires aussi. Et tous ceux-ci ont besoin d'accéder à l'électricité et à l'eau. Nous savons, avec les moyens limités, nous sommes en train de prendre nos dispositions, nous procédons à l'électrification progressivement. Nous ne pouvons pas répondre dans l'immédiat aux besoins, mais nous sommes à l'œuvre pour que toutes ces communes, tous ces quartiers puissent accéder à l'électricité et à l'eau potable. Nous ne pouvons pas garantir que les incidents n'arriveront plus jamais parce que l'électricité peut par de manière fortuite venir avec une forte intensité ou avec une intensité faible. Ce que nous recommandons, ce que nous conseillons, c'est ce que nous avons toujours dit. Il faut que les gens qui prennent le raccordement prennent aussi leur disposition pour se protéger. C'est même inscrit dans notre règlement. Un client qui a notre abonnement, il soit conscient qu'il doit lui-même assurer la protection de ses équipements, de son immeuble, parce que nous ne pouvons pas garantir la régularité de l'intensité qui est fournie. Siméo Habonimana, directeur général de la Régie des eaux. Le gouvernement burundais a déjà entrepris des projets socio-économiques pour faciliter l'intégration sociale des peuples autochtones dans la société burundaise. Déclaration du ministre ayant le genre dans ses attributions à la veille de la célébration de la journée internationale dédiée aux peuples autochtones, une journée qui est célébrée chaque année le 9 août. Imelda de Sabushimika a indiqué que le gouvernement a pris des mesures barrières contre le Covid-19 qui doivent être respectées par tous, y compris les Batois. Je vous propose de l'écouter. Ces propos ont été recueillis par Moïse Misago. Le 9 août de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale des peuples autochtones. Cette célébration ressort de la résolution A/RES/49/214 de l'Assemblée générale des Nations Unies, adoptée le 23 décembre 1994. Cette année, la célébration coïncide avec l'avènement de la pandémie du Covid-19. Le thème choisi au niveau mondial est Covid-19 et la résilience des populations autochtones. Au niveau national, le thème choisi est résilience de la communauté Batwa face au Covid-19 et les réintégrations socio-économiques. Le gouvernement du Burundi veille à l'égalité de tous. C'est pour cela que des mesures de discrimination positive au niveau social, économique et politique ont été initiées pour relever certains défis rencontrés par les Batois dans des domaines de la vie quotidienne. Le Burundi a initié des projets qui vont dans le sens du développement socio-économique pour faciliter une intégration effective des Batois dans les sociétés burundaises. Au niveau politique, les Batois sont représentés dans les différentes institutions nationales, notamment au gouvernement, au parlement et dans d'autres instances de prise de décision. Le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, a pris des mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, surtout dans la mise en œuvre du programme d'Akira Sinanduza Kandi Sinandura. Ces mesures sont à respecter partout, y compris les Batois. Cette année, dans notre pays, la Journée internationale des peuples autochtones sera célébrée solennellement au chef-lieu de la commune Nyabihanga, province Mwaro, le 28 août 2020. Certaines personnes déplacées internes des sites Gihamagara et Gisakara en commune Itaba de la province Gitega réclament la transformation de leur site en village de paix où vivraient les Burundais de toutes les composantes sociales. Cela parce qu'ils n'envisagent ne pas retourner sur leur colline d'origine. Et c'est au moment où celles qui ont déjà regagné leur colline natale invitent celles qui ne sont pas encore parties de les emboîter l'OPA. L'administrateur de la commune Itaba indique qu'il attend l'instruction de ses supérieurs hiérarchiques et les orientations relatives au retour éventuel des déplacés internes sur les collines d'origine. Gérard Nibigir. Certaines des personnes déplacées internes du site de Guiamagara en Kuminitaba disent qu'elles n'envisagent pas retourner à leur colline d'origine et déclarent qu'y retourner serait synonyme de se suicider. Ainsi, ils demandent que leur site soit transformé en village de paix où vivraient les gens de toutes les composantes sociales, comme c'est le cas pour le village de paix de la commune Guichoubi. Même son de cloche pour certaines personnes déplacées internes du site de Gisikara dans la même commune. Une d'elles persiste et signe qu'il n'ira plus jamais vivre à sa colline natale, car plusieurs membres de sa famille y ont péri pendant la crise de 1993. Elle aussi réclame la transformation de ce site de Gisikara en village de paix. Cela étant, les anciennes personnes déplacées internes du site Gisikara qui ont regagné leur colline natale Gisikara In disent qu'elles cohabitent bien avec leurs anciens voisins retrouvés sur place. Elles invitent alors les personnes qui vivent encore dans des sites de déplacés à retourner à leur colline elles aussi. Seulement, ils demande que tout soit fait pour sauvegarder la paix et la sécurité afin que les atrocités de 1993 ne se reproduisent plus jamais. Quant à eux, leurs voisins retrouvés sur place affirment qu'ils vivent en harmonie avec ces personnes déplacées qui sont retournées à la colline et invitent à celles qui sont encore dans des sites de déplacés à regagner leur village d'origine. En outre, les anciennes personnes déplacées internes qui sont retournées à la colline d'origine en commune Itaba demandent un appui matériel constitué sans essentiellement de tôle pour se faire construire un logement décent. De son côté, l'administrateur de la commune Itaba, Nyandu Domitien, indique qu'il attend de ses supérieurs hiérarchiques le programme et les orientations relatives au retour des personnes déplacées internes à leur colline d'origine. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons ce journal. L'ignorance des droits de l'homme chez certains, l'arrangement à l'amiable entre l'auteur d'une violence basée sur le genre et la victime sont parmi les principales causes de la non-diminution des violences basées sur le genre en province Kayanza. Ce sont les propos de Florence Ndikoumana, coordinatrice du Centre de développement familial et communautaire à Kayanza. Ce responsable demande à l'administration et à la société civile de plaider pour que les auteurs des violences basées sur le genre soient traduits en justice et sanctionnés conformément à la loi. Patrick Saint-Guillaume, reportage. Comme l'illustrent les données fournies par le Centre de développement familial et communautaire à Kayanza, le nombre de cas de violences basées sur le genre en cette province n'a pas sensiblement diminué comparativement à l'année passée et les trois trimestres de cette année en cours. Les mêmes données montrent également que l'année passée, environ 1011 cas de violences basées sur le genre faites aux filles et aux femmes ont été enregistrés contre 573 cas en cette année-ci. Florence Ndikoumana, coordinatrice à ce centre, indique que ces violences sont de différentes natures, à savoir les viols, les violences physiques, celles psychologiques, violences socio-économiques ainsi que quelques camps de tuerie. Elle précise en outre que les principales causes de la faible diminution de ces genres de violences en province Kayanza sont principalement l'ignorance des droits de l'homme chez certains, l'arrangement à l'amiable entre les deux parties, c'est-à-dire l'auteur du viol et la victime elle-même, et un arrangement qui est opéré par certains administratifs locaux qui sont souvent corrompus, ainsi que les manœuvres dilatoires en justice. Même si son responsable dit se réjouir du pas des gens franchis dans ce domaine de la lutte contre les violences basées sur le genre, elle indique qu'il y a toujours à faire pour améliorer la situation les jours à venir. Ainsi, Florence Ndikoumana lance un appel vibrant à l'administration et à la société civile ou à tout autre organisme en charge de la défense des droits de l'homme de prêter à ce que les auteurs de violences faites aux filles et aux femmes soient traduits en justice et ainsi punis conformément à la loi. Depuis Kayanza, Patrick Sengi va pour la radio Isanganiro. Merci Patrick. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Armel Moutori, j'étais à sa présentation. Albert Ndouaïo était à la cabine technique. Merci pour votre écoute. Tout de suite, la revue de la presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'endroit d'où vous nous écoutez. Police de roulage, balayer aussi le salon, titre le journal Iwachu dans son éditorial. Allusion faite à l'annonce du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de la tolérance zéro à quiconque se rendra coupable de la corruption et de la criminalité. Il a aussitôt joint l'acte à la parole. Le porte-parole de la police a indiqué que 19 policiers et 4 administratifs ont été révoqués. 4 policiers, dont 2 officiers, sont sous interrogatoire. Plusieurs autres présumés coupables ont été déjà appréhendés et leurs dossiers sont transmis à la police, rapporte Iwachu, qui constate que la machine est donc en marche. C'est un bon signal, une initiative à encourager, à soutenir. Toutefois, nuance cet hebdomadaire, il paraît difficile de faire passer la pilule, de s'y accommoder. L'enquête qu'Iwachu vient d'effectuer sur le comportement de la police de roulage face à la mesure le prouve. Une attitude de laxisme, de relâchement, semble gagner son corps. Il ne suffit pas seulement de balayer devant la porte, il faut même entrer dans le salon, sinon le verre restera toujours dans le fruit, rétorque un policier à un journaliste cité par son confrère qui conclut que la lutte contre la corruption ne doit donc pas être perçue comme celle de quelques-uns seulement. C'est un combat collectif. Et l'agence burundaise de presse rapporte que le ministère public, près la cour anticorruption, qui siégeait mercredi en matière de procès de flagrance, a requis une condamnation d'une servitude pénale de 5 ans et une amende de 500 000 francs burundais au substitut du procureur à Bubanza, Janvier Girukwishaka. Ce quotidien précise que ce dernier est accusé de corruption active de 400 000 francs burundais qu'il a proposé à 3 présumés auteurs de grossesse non désirée pour le classement sans suite de leur dossier au niveau du parquet de Bubanza. Une somme qu'il a fini par réceptionner en date du 27 juillet 2020, contrairement à la déontologie de sa profession, selon le représentant du ministère public, cité par la BP. Ce quotidien souligne aussi que M. Girukwishaka a plaidé coupable pour tentative de trafic d'influence, infraction pour laquelle il a demandé pardon à la Cour anticorruption qui a mis le procès en délibéré. Le jugement final sera prononcé le 17 août prochain, selon notre confrère. Revue de la presse. La bataille va-t-elle enfin être engagée? C'est Burundi Echo qui s'interroge sur ce sujet, du moment que depuis plusieurs années, les rapports de Transparency International classent le Burundi parmi les pays où l'économie est menacée par la corruption et l'opacité dans les affaires publiques. C'est toujours dans sa parution de vendredi 7 août que Burundi Echo s'inquiète de la persistance de la fraude fiscale, douanière et la contrebande, même si l'Office burundais des recettes se félicite un peu des performances réalisées. En effet, écrit cet hebdomadaire, citant la revue des contribuables numéro 15 de l'OBR, lors d'un point de presse animé sur le bilan de la lutte contre la fraude et la contrebande durant la période qui va de janvier à avril 2020, l'Office est ravi de l'étape déjà franchie dans la lutte contre ces infractions économiques. Le commissaire général de cette institution a indiqué que dans cette lutte, un montant de plus de 2 milliards de francs bou a été recouvert dans les opérations de lutte contre la fraude fiscale, douanière et la contrebande de janvier à avril 2020. Durant cette période, note aussi Burundi Echo, la prime totale déjà versée aux dénonciateurs de ces cas de fraude est de plus de 160 millions de francs burundais, ce qui pour son confrère témoigne que la population burundaise commence à comprendre l'intérêt de se mobiliser pour la dénonciation de la fraude et de la contrebande. Parmi tous les dénonciateurs, il y a une seule personne qui a reçu une prime de 67 millions de francs burundais pour avoir dénoncé un dossier qui a permis de recouvrer plus de 700 millions de francs burundais pour le trésor public. Une bonne affaire, surtout que cette dénonciation se fait en toute confidentialité, souligne notre confrère. Et tout naturellement, le journal La Voix de l'enseignant écrit sur l'occupation des élèves en vacances d'été avec le concours du centre mère-enfant orphelin de la zone Chibitoke en mairie de Bujumbura qui organise différentes activités à leur intention. Il s'agit des activités sportives, d'assainissement des rues et des activités de moralisation comme débats sur les grossesses ces non désirés, le tabagisme, le sida, etc. Les jeunes rencontrés par ce confrère disent être intéressés et en profitent doublement. Quant aux parents, ils disent que le centre leur est très utile car pendant la journée, les enfants sont sécurisés et ils sont intellectuellement encadrés. Ce qui est également l'avis d'un pédagogue qui témoigne toujours dans les colonnes de la Voix de l'enseignant que le changement d'activité des enfants scolarisés rafraîchit la mémoire. Enfin, non au Ligala, nos confrères du journal en ligne La Nova publient sur leur compte Facebook que la lutte contre la fainéantise des gens passant du temps sans rien faire a commencé. Ce vendredi, 25 personnes ont été appréhendées sur les collines Makamba 1 et 2 dans la province portant ce nom et conduites sur la colline Muyogo de la même province pour aider dans la préparation des pépinières pour arbres. La police déclare qu'il s'agit de mettre en application la recommandation du président Évariste Ndayishimiye de combattre les Ligala. Et c'est la fin de cette revue de presse préparée et présentée par Francine Ndeokubgayo et Jean-Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.